Top chrono, rugby à 13. Allez, on revient avec le rugby à 13 et on va parler cette fois-ci du grand week-end. Et puis si vous avez... vous ne pouvez pas vous déplacer au Parc des Sports d'Avignon. N'oubliez pas, Free FM sera en direct depuis le Parc des Sports avec Jean-Yves aux commandes. Il sera, lui, sur la pelouse. Raconte-nous tout, Jean-Yves. Ben ouais, Fred, écoute, déjà, la finale de la Coupe de France, la finale Lord Derby, elle s'appelle, c'est la finale, le gros événement de la saison rugby à 13 ici en France avec la finale du championnat. Cette année, la finale du championnat, la finale de la Coupe Lord Derby, la finale de la Coupe de France Élite, se déroulera à Avignon, au Parc des Sports, dimanche 7 mai. Ça va être une méga fête, Fred, puisque deux équipes qui s'affrontent en finale ne se sont pas affrontées en finale de la Coupe de France depuis 1961. Lézignan d'un côté, qu'on ne présente pas, et Carcassonne de l'autre, là aussi on ne présente pas ces deux équipes, les deux voisins audois. 25 km les séparent, ces deux villes. Et ils vont se retrouver au Parc des Sports dimanche après-midi sur le coup de 16h. Ça va être juste une superbe fête. On risque de voir du beau rugby, puisque c'est probablement les deux équipes qui ont cette année produit le plus beau rugby de la saison. D'un côté, Lézignan qui joue un jeu extraordinairement aéré, qui joue vraiment un superbe rugby. Puis de l'autre côté, Carca, qui de jouer un peu plus à l'ancienne, mais finalement ça paye, hein, puisque ces deux équipes-là ont fini première, me semble-t-il, et seconde du championnat, ou première et troisième, première et seconde d'ailleurs, me semble-t-il, mais ça nous promet vraiment une belle finale. C'est une finale qui d'ores et déjà met le département de l'Aude sans dessus-dessous, hein, puisque on attend près de 10 000 personnes au Parc des Sports dimanche. Allô ? Oui, vas-y, oui, j'en ai voté tout là, pardon. Oui, alors du coup, on attend pas loin de 10 000 personnes au Parc des Sports dimanche, juste des Audois qui vont venir encourager leur équipe. Ça risque d'être vraiment une superbe fête. Le lever de rideau sera à 13h, là aussi, à ne pas manquer, puisque la finale à Coupe de France junior opposera nos amis avignonnais du SOA, les joueurs de Florian Bissière et de Bechat, qui seront opposés à Toulouse. Là aussi, ça promet vraiment une superbe fiesta, une superbe fête. Les avignonnais seront favoris, bien sûr, sur leur pelouse. On espère que nos jeunes bisons feront honneur à cette finale et puis surtout la remporteront. Ils en ont déjà remporté une paire ces dernières saisons. Voilà, tout est réuni pour que dimanche on parle de rugby et on fasse la fête. Oui, excuse-moi Jean-Yves, je suis en train. Oui, je suis là Jean-Yves, parce que ouais, on est en train de préparer le deuxième dossier dont tu vas rester avec nous, mais parlons premièrement de cette belle finale. Ouais, cette belle finale, c'est vraiment presque la finale de rêve, Fred. Et puis c'est probablement aussi la finale qu'on risque de retrouver en championnat, hein, puisque Limoux et Carcassonne sont d'ores et déjà qualifiés pour les phases finales. Pardon, Lézignan et Carcassonne sont d'ores et déjà qualifiés pour les phases finales. On se rappelle la dernière fois que la finale de la Coupe de France avait eu lieu à Avignon, il y a de cela 5-6 ans, me semble-t-il, ou peut-être un petit peu plus. C'est déjà Lézignan qui était venu s'imposer face déjà à Limoux, ici au Parc des Sports. Et on espère qu'on va assister à une superbe finale. Alors Fly FM sera mobilisé puisqu'on sera en direct pour les juniors dès 13h. Et pour faire vivre la finale de la finale élite à partir de 16h. Donc il risque de se passer pour juste un petit peu pour aiguiller tout le monde. On fera des flashs pour les juniors, ça c'est clair. Ouais. Et par contre, on mettra la finale en direct et on aura bien sûr les artisans avec à tes côtés pour parler bien sûr de cette belle victoire, en l'espérant, des juniors du SOA. Ben écoute, les juniors ont fait une saison fantastique. Les juniors du SOA, on va en parler deux minutes parce que les juniors de Bissière et Bechat ont vraiment fait une saison fantastique. Bissière et Bechat, les deux entraîneurs, sont vraiment des éducateurs et des entraîneurs extraordinaires. Probablement les meilleurs entraîneurs juniors de France depuis maintenant pas loin de 10 ans. Ils ont eu des titres, que ce soit en cadet ou en junior, ils ont gagné la Coupe de France, ils avaient à l'époque été champions avec les cadets. C'est vraiment deux mecs qui font un boulot fantastique. Voilà, tout est réuni, le groupe junior est là, prêt à en découdre, à savoir aussi que des juniors du SOA, parmi les juniors, il y a quelques gamins qui ont l'habitude de faire des piges en première, qui ont l'habitude de jouer avec l'équipe 1 en élite. Ça a probablement aidé pas mal ce groupe pour le apporter un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de vécu. Et de l'autre côté, on aura Toulouse. Toulouse, c'est là aussi une place forte de la formation de Trésiste. Alors, ils ont sorti ces dernières années quelques très bons joueurs. Et puis, Toulouse évolue en championship du côté du championnat anglais. Et là aussi, il y a probablement une paire de gamins qui ont la possibilité d'entendre s'aguerrir avec l'équipe 1 et qui vont faire profiter les juniors de leur expérience. Ce sera un superbe match. On y reviendra sur tes belles affiches dans la minute sportive. Bien sûr, on sera avec toi et bien sûr, on sera tous aux côtés de cette belle finale de la Coupe Lord Derby, la Coupe de France et de la Coupe Junior en direct du Parc des Sports. Voilà pour la page 13. On va passer au 15 car là, il y a un gros morceau. Tu vas rester avec nous. J'arrive juste le temps de prendre la page. Top chrono, rugby à 15. Allez, rugby à 15, ce soir, vous savez que c'est le 1er mai, pas de journaux, et on va faire un point total de la Fédérale 3. Jean-Yves, puisque c'était les 16e de finale, et j'étais tout doucement tout à l'heure, tandis que tu nous décrivais le beau spectacle qui nous attend en rugby à 13, et bien j'étais en train un petit peu d'aiguiller avec Marie et surtout Henri pour parler de tous les résultats de Fédérale 3 et de Fédérale 2 avant de venir sur le match qui opposait Château-Renard à Beaune à Coubertin, à Château-Renard. Eh bien, on va voir avec Henri tous les résultats et les clubs qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. On va commencer par Marc-en-Barreux. Allons-y. Donc, Houille. Non, ça existe. Je connais. Houille Marc-en-Barreul, 37-28 pour Marc-en-Barreul qui se qualifie. Poto Combo perd face à Plaisir 21-25. Donc les deux qualifiés sont Marc-en-Barreul et Plaisir au prochain tour. Compiègne, Ris-Orangis, 35-17 pour Ris-Orangis. Meaux Courbevoie, 19-15 pour Courbevoie. Les deux qualifiés. 19. Oui. Mais pourquoi ils mettent Meaux en qualifié? Le match avant, ils avaient gagné largement par 25-19 et c'est Meaux qui retrouvera Ris-Orangis pour les 8e de finale. Voilà, pour les 16e de finale de Fédéral 3. Vierzon-Tour, 52-10. Poitiers, Châteauroux, 13-11. Tour, qualifié. Tour et Poitiers sont qualifiés pour le prochain tour. Auray, Puy-le-Borough, 20-28. Bourges, La Bolle, 30-12. Les deux qualifiés, Puy-le-Borough, Bourges. Nantua, Nuit-Saint-Georges, 20-20. Par contre, si j'ai pas le suivi. C'est Nuit-Saint-Georges qui sera qualifié et il rencontrera Benozamin qui le passe. Voilà. C'est trop rigolo. Pour ça, ce soir, c'est vraiment. Moi, c'est pas grave. On va passer juste après avec Saint-Claude qui rencontrait Portalier et Bellegarde qui recevait Metz. Ok. Portalier se qualifie 23-21 et Bellegarde se qualifie pour les huitièmes de finale. Clermont-Tournon recevait la Simida. Eh bien, ils ont gagné, ils se sont qualifiés pour les 16e de finale, tandis que Vichy recevait Annonay. Ils ont gagné 22-16, mais malheureusement, c'est Annonay qui est qualifié pour ses 16e de finale en Fédéral 3. Saint-Cernin recevait Tournontain. Eh bien, Tournontain sera qualifié puisqu'ils ont gagné chez eux 42-23. Et le match retour avait fait 37-26. Et Vinay recevait Apajour Vénazé, c'est ça? Ouais, c'est Vinay qui gagne, puisque Vinay sera qualifié pour les 16e de finale. On retrouvera un Tournontain. La suite, mon cher, avec l'Île-sur-Sorgue qui se déplaçait du côté de l'étang de Berre-l'Étang. 24-20, qualification de Berre-l'Étang. Et un puits face à Aix-Uc. 8 à 15, qualification. Alors, on va s'arrêter parce qu'il y a Jean-Yves au téléphone. Jean-Yves, Lille-sur-Sorgue a vraiment raté sa qualification pour un point. C'est terrible. Ouais, c'est dommage. C'est dommage qu'ils aient raté cette qualif parce que ils avaient fait le plus dur au match aller en limitant la casse. Ils auraient pu, avec un petit peu plus de réussite, l'emporter, scorer ne serait-ce qu'une pénalité de plus ou une drop de plus qui leur aurait permis de se qualifier. Voilà, l'aventure s'arrête là pour cette saison, mais en tout cas que cette saison fut belle pour un groupe qui, n'oublions pas, qui montait de honneur et qui, ma foi, réussit non seulement l'exploit de ne pas redescendre immédiatement, comme ça arrive de temps en temps, mais en plus qui réussit à se qualifier pour les phases de finale. Et qui tombe contre un des cadors de la poule, c'était la poule 10. 10, la poule 10. Que, ouais. Voilà, qui tombe contre un des cadors de la poule 10, qui a été, qui a survolé cette poule toute la saison et qui ont subi que très peu de défaites. Donc eh bien, bravo à Lille, bravo aux dirigeants et surtout aux joueurs de Lille. Nul doute qu'on les reverra dans d'aussi bonnes conditions dès la saison prochaine, en tout cas on l'espère. Allez, on va passer juste pour vous dire que Aix-US sera l'adversaire de l'État de Berre en 16e. On va sauter et puis... Valette, qualification de la Valette 24-11. Et le problème, c'est qu'ils ont perdu, ils ont gagné chez eux 43-10. C'est vrai que la montagne était trop grande pour les Angles pour pouvoir la franchir. La montagne pour les Angles a été quasi infranchissable. Il aurait fallu déjà pas mal limiter la casse au match aller au stade Pagès, s'il n'avait pas été le cas. Bon, mais après, tu le sais, si contre une équipe du calibre de la Valette, si tu ne tournes pas avec plus 15 après le match aller, c'est très compliqué. Là, ils étaient pas dans le truc. Ils n'étaient pas invités. Ils n'étaient simplement pas invités contre cette équipe de la Valette. Mais encore une fois, comme pour Lille-sur-Sorgue, les joueurs et le club du président Sanctium, ils ont fait un énorme boulot. Ils ont fait une énorme saison. Là aussi, ils sont montés d'honneur. Non seulement ils ne descendent pas, mais ils réussissent avec soi de se qualifier. Voilà, ils ont été toute la saison dans le peloton de tête. Bravo à l'intention et à son club. Oh, bravo à cette équipe des Angles. Et dans la même poule, puisque je crois qu'ils jouaient ensemble, Aubagne-Martigues. Quelle déception pour cette équipe d'Aubagne qui croyait avoir fait le plus dur en gagnant chez lui 21-8. Et ils vont perdre 37-15 à Martigues. Ouais, mais tu sais Fred, les phases finales, on se connaît maintenant toi et moi depuis suffisamment de temps, et je te l'ai suffisamment répété, mais les phases finales, c'est un nouveau championnat qui commence, avec une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça ne compte pas quasiment. Et les phases finales, c'est vraiment une façon différente d'aborder le rugby, d'aborder les matchs. Probablement que Aubagne, qui a fait une belle saison malgré tout, ils n'étaient pas équipés pour aller s'imposer à Martigues, de la même manière d'ailleurs que nos amis vaucusiens. Les phases finales, ça se gagne non seulement au rugby, mais ça se gagne aussi et surtout au mental. Et c'est souvent les équipes les plus fortes mentalement qui arrivent à passer des tours à ce niveau-là. On le sait, toi et moi, pour avoir suivi Bédarrides cette année. Probablement que Bédarrides était aussi meilleur que Nice sur l'ensemble de la saison. Mais voilà, il y a eu peut-être un truc qui a cloché à un moment ou à un autre. Pareil pour Aubagne, pareil pour Lille-sur-Sorgue. C'est un peu moins la même chose pour les Angles, parce que là, il y a tellement d'écart que... Allez, on va passer. Voilà. On va se retrouver dans Fédéral dans quelques secondes, le temps de donner les matchs des 8e de finale, des 16e de finale qui nous attendent en Fédéral 3 avec Henri. Gruissan se qualifie face à l'Irak 24-20. Pézena et Tournefeuille se séparent sur un score de 21-18, qualification de Tournefeuille. Beaumont, je vois pas la suite, face à Coiraz. 29-18, qualification de Beaumont et Astarac Bigorre face à ORC Montauban, qualification d'Astarac, 29-18. Navarranx FCTT, victoire de FCTT 21-19. Et Saint-Sulpice, Asparant, 17-23, qualification d'Asparant. Mérignac, Saint-Paul-les-Dax, victoire de Saint-Paul-les-Dax, 18-27. Mugron, Saint-Foy-la-Grande, qualification de Mugron, 37-24. Risque, Périgueux, 12-14. Périgueux se qualifie et jouera face à Belvès qui a battu la ressort 23-6. Ah, c'était très bien Henri, on va passer à la Fédérale 2 et on revient à Monsieur sur ce match de Château-Renard. Il est déjà 19h26, il faut l'accélérer. On est avec Marie pour, on ne sait plus, il y en a de partout, on va y arriver. On va passer à la Fédérale 2 et on va avoir les scores de la soirée et surtout les qualifiés pour les huitièmes de finale, synonyme de montée en Fédérale 1 pour les vainqueurs. Alors, Chartres-sur-Rennes, 15-46. Saint-Denis-Orléans, 41-17. Alors, Suresnes s'est qualifié et Saint-Denis. Voilà. Alors, Drancy-Niort, 25-18. Rennes-Orsay, 16-15. Ce sera Niort et Orsay qui seront qualifiés. Pour les huitièmes de finale. Nice-Vienne, 22-26. Bonne-Château-Renard, 29-25. Ce sera Vienne et Château-Renard. Mézieux-RCHCC, 5-29. Saint-Jean-en-Royan, Rumilly, 33-16. Ce sera RCHCC contre Saint-Jean-en-Royan. Nafarroa Serré 22-3. Lecate Handaï 18-23. C'est le Handaï qui sera qualifié face à Serré. Voilà. Pamiers Mazamé 28-21. Non, ce sera Handaï et Mazamé. Oui, exactement. Handaï et Mazamé. Serré, ouais. En fait, il nous manque un petit morceau. Bon, c'est pas grave. On n'a pas de journaux aujourd'hui, c'est compliqué. Lormont-Castel-Sarrazin, 17-42. Bergerac-Fleurance, 33-24. Ce sera Castel-Sarrazin contre Bergerac. Issoire-Bassin-d'Arcachon, 6-23. Orthez-Marmande, 21-21. Ce sera Bassin-d'Arcachon et Orthez. Voilà, ces belles affiches pardon, de huitième de finale. Jean-Yves, deux huitièmes de finale qui nous rapprochent depuis ce début de cette saison, puisqu'il y a trois clubs qualifiés pour les huitièmes de finale. On laissera bien sûr Château-Renard pour le dernier toast, mais on va parler juste de Mézieux et hier Carqueran qui s'est qualifié sans problème. Écoutez plutôt les scores, 7-92 à domicile et 5-29 chez Mézieux. Je crois que hier Carqueran est sur un nuage et par contre, la belle surprise, c'est Saint-Jean-en-Royan, si ce n'est une surprise, qui se sont qualifiés face à Rumilly en allant gagner à l'extérieur, non, en perdant bien sûr à l'extérieur, 29-25, mais à domicile, ont gagné 33-16, ce qui leur donne le droit de croire à monter en Fédérale 1. Mais est-ce qu'ils iront? Ça sera peut-être compliqué face à hier au Carqueran. Jean-Yves. Écoute Fred, hier à Carqueran, pour moi, ils sont. Ça fait 2 ans qu'ils ont les moyennes de monter. Ils ont raté la marche la saison dernière, il n'a pas manqué grand-chose parce que ils avaient déjà, rappelle-toi, on y était allés ensemble, on avait vu le boulot, les structures qu'ils avaient mises en place et c'était déjà du bon boulot. Donc pour moi, hier à Carqueran est largement. Prêt à évoluer en Fédérale 1. Et s'il montait, par contre, ça serait extraordinaire parce que ça ferait une paire de derby entre hier Carquet, La Seine. Enfin, je crois que tous les week-ends, ça serait génial par là-bas. Quant à Saint-Jean-Royan, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Encore que on le sait, une montée, ben, ça se refuse pas. Et eux aussi sont prêts. Ça risque d'être très compliqué pour eux parce que le réservoir de joueurs n'est pas énorme. Les possibilités d'augmenter leur budget, ben voilà, on y est allé ensemble. Fred, tu sais, c'est un petit village, il n'y a pas grand-chose. Ça risque d'être plus compliqué pour Saint-Jean-Royan, encore que avec des gamins du cru, sur une saison ou deux, ils peuvent se régaler. Le risque pour Saint-Jean-Royan, c'est le syndrome Saint-Saturnin, tu sais, c'est-à-dire... monter alors qu'ils n'étaient pas prêts et puis redescendre dans la foulée et puis dégringoler. C'est un truc qui ne pourra pas arriver d'après moi à Yara Carqueran parce que eux ils ont pris le temps de se structurer, ils sont pas là par hasard et voilà, si une des deux équipes devait devait monter dans, dans cette partie du tableau. Il me semble que Yara Karkiran est largement prêt pour monter en fédéral 1. Alors revenons un petit peu à ce match Beaune-Château-Renard, hein, qu'on a pu suivre en direct sur Fly FM hier après-midi, où nous étions au stade Coubertin à Château-Renard, où on va dire que le temps n'était pas idéal pour faire du rugby. Mais on assistait à une belle partie. Revenons à ce match aller déjà à Beaune, où Château-Renard avait perdu 29-25. Le retour était compliqué, on le savait, il fallait avoir un grand Château-Renard. Château-Renard amputé de 4 pratiquement pièces maîtresses du jeu, puisque Conti, tout ça est déjà sur le capot, hein, puisqu'il est out pour la saison. Il y avait des premières lignes, il y avait Aubenas en seconde ligne qui ne pouvait pas être aligné puisqu'il était blessé. Et lui aussi, on verra s'il sera prêt pour le match retour, mais du côté de Vienne, puisque dimanche prochain, Château-Renard recevra à domicile Vienne. Première mi-temps face à Beaune, le score 8-11, compliqué. Un Bastelica qui a su jouer du vent et qui a su donner deux alternatives dans ce jeu magnifique, puisque notre ami Daniel Saubier, l'entraîneur de cette équipe de Château-Renard, nous disait à la mi-temps que ça serait compliqué parce que devant, il en manquait un petit peu des pièces maîtresses. Et on allait voir si les trois quarts allaient pallier un petit peu l'absence de poids devant. Et bien, c'est bien clair. Château-Renard a usé un petit peu des fautes que faisait Beaune pour pouvoir asseoir leur domination derrière. C'est vrai que Dufay, Bastalica, j'oublie son nom, l'arrière de Château-Renard, qui a été énorme puisqu'il est venu souvent s'intercaler. Et en première mi-temps, Bastalica a mis, comme on dit, des quilles, comme tu connais Jean-Yves, en l'air. À plusieurs reprises, il rendait le ballon. Je me disais, mais à quoi il joue? Ben, il jouait à essayer de faire de jouer des fautes que faisait cette équipe de Beaune, qui en a guère fait parce qu'il y avait un fameux Bagès à l'arrière qui était, on va dire, exceptionnel. À un moment, il s'est joué de la défense de Château-Renard. On a eu même des frissons en première mi-temps par ce joueur qui était vertigineux. Il arrive à passer 5, 6, 7 adversaires en revue, tellement à lui seul. Mais bon, heureusement que cette équipe de Beaune était, on va dire, un petit peu moins outillée devant et surtout au niveau de la charnière, puisque le numéro 10, s'il a été de bonne facture, on va dire que les autres ont fait souvent tomber des ballons, et ce qui a été préjudiciable pour cette équipe de Beaune. Voilà, Jean-Yves, un petit peu la première mi-temps. La deuxième mi-temps, eh bien, on a vu un Château-Renard complètement différent. Un Daniel Saubier qui a su trouver les mots, puisqu'il a impliqué un petit peu et soufflé qu'il manquait un point, et oui, il s'était toujours pas qualifié à la mi-temps, 8-11. Et on va rentrer un Bastelica qui va jouer tout à la main et qui va trouver des passes de plus de 30 mètres en allant chercher chaque fois son arrière et l'ailier Clément qui est allé marquer deux beaux essais. Je peux vous assurer que on va dire que Coubertin était fin heureux, et cette équipe de Beaune qui a pas su maîtriser, on va dire, peut-être le jeu qui était proposé, qui a été un petit peu dépassé derrière par une équipe de Château-Renard qui a surpris tout le monde, puisque dès qu'il y avait des ballons, on n'essayait pas de jouer un petit peu par pick and go, même si à la fin on a été obligé de faire tourner l'horloge, comme tu connais Jean-Yves. Ils ont joué bien sûr des pick and go pendant 2-3 minutes, même si c'était pas très joli pour le spectacle, mais il fallait ça pour aller à terme de cette rencontre et pour que Château-Renard gagne. Mais voilà un petit peu l'aspect qu'a découvert Château-Renard, et on a retrouvé un joueur qui n'était pas aligné au début, puisque c'était Mouret, un pilier encore sur le capot, blessé pour Château-Renard. On fait rentrer ce Sofiane, un tout jeune joueur qui a été, on va dire, énorme. Je te propose de l'écouter avant de revenir avec toi sur l'analyse de cette rencontre. Je vous propose d'écouter Sofiane. Tiens, on est avec Sofiane Château-Renard. Bon, tu es rentré en première mi-temps, c'était pas évident, hein, parce que bon, Eric s'est blessé. Tout de fait, tu as fait une belle partie et vous êtes qualifié pour les huitièmes, c'est beau, non? Ouais, c'est le plus important. Hein. Après, voilà, il reste deux bons matchs à jouer. Après, voilà, il faudra les prendre comme ils viennent. Et voilà. T'as fait une belle partie, t'es content de toi? On dit qu'on peut toujours faire mieux. Après, oh, ça va, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, on peut toujours faire mieux. Après, si je vois quelques actions à ce niveau-là, c'est une erreur, ça pardonne pas. Voilà, après on a gagné l'essentiel aujourd'hui, on a gagné. Maintenant on va continuer à travailler cette semaine et voilà quoi. Vienne, très belle équipe, on nous a parlé d'elle, mais après voilà, hein, comme on dit au rugby, rien n'est gagné. Hein. Donc on y va pour gagner, après il se passera ce qui se passera. Hein. Super, voilà. Merci. Allez. Voilà, alors bien sûr, c'était peut-être son premier interview. Sofiane, un petit jeune, hein, un jeune qui doit avoir quoi, 20, 21 ans et qui jouait en première ligne. Jean-Yves, tu as déjà connu ça. On voit qu'il fait ce qu'il peut et il essaie de rendre service à l'équipe. Il ne se prend pas la tête et bon, voilà, quoi, c'est fabuleux, quoi. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Dans la victoire de Château-Renard, il y a deux choses qui pour moi paraissent essentielles. La première, c'est l'intelligence de Daniel Saubier, qui a demandé à ses joueurs, on connaît Daniel Saubier, il a déjà gagné le titre avec l'équipe de Château-Renard, il y a maintenant plus de 20 ans, mais ce type est d'une clairvoyance extraordinaire. Et il a su changer son système de jeu en cours de match, demander à ses joueurs de jouer contre nature, puisque pour les Château-Renardais, jouer derrière, c'est pas naturel. Et balancer énormément de jeux derrière, c'est pas naturel du tout. Daniel Saubier, à la mi-temps, a su trouver les mots pour faire en sorte que ces mecs trouvent les capacités de jouer derrière et produisent du jeu. Ça, c'est la première chose. Toi, Jean-Yves, qui est un amoureux de jeux aérés, je peux te dire que Bastalica a été énorme. Des passes au cordeau de plus de 30 mètres, trouver un décalage en relais. C'était mon deuxième point, en fait. C'était là-dessus que je voulais arriver. Vas-y, excuse-moi. C'est qu'un mec comme Bastalica, il n'est pas seul dans cette équipe de Château-Renard. C'est des mecs qui ont de l'expérience, c'est des mecs qui ont de la bouteille, c'est des mecs qui ont évolué déjà à l'étage supérieur. Et dans les matchs importants, eh ben, ces mecs-là comptent. Rappelle-toi, on l'avait noté cette saison avec Tricastin, où ils avaient sorti au dernier moment deux ou trois vieux de derrière les fagots. Château-Renard, pareil, ils avaient attaqué le match aller avec que des jeunes. Quand il avait fallu faire rentrer les Bastelica et compagnie, ils les avaient fait rentrer. Et ces mecs-là sont capables, sur leur talent et leur expérience, de retourner un match et de faire déjouer des adversaires. J'étais pas au match, mais je t'ai écouté hier tout à l'après-midi. Je sais qu'un mec comme Bastelica, par exemple, est largement capable, en fonction des consignes de son entraîneur et de son talent, surtout, de changer le cours d'un match. Alors, il n'est pas seul, bien sûr, hein, pour avoir des bons ballons derrière, il a fallu que les gros se les pèlent, les ballons. Il a fallu qu'ils aillent les chercher, les négocier. Ils ont laissé passer l'orage. Et puis bizarrement, et bien Daniel Saubier, à la mi-temps, leur a demandé de changer de système. On a arrêté de rendre des ballons et puis voilà, leur jeu s'est mis en place et puis ils ont joué presque contre nature et c'est passé sur ce coup là bravo pour bravo au maître tacticien Saubier, puis bravo à ces grognards dont on a besoin dans une équipe, ces mecs d'expérience qui compteront la saison prochaine en Fédéral 1 pour en tout cas on l'espère, pour accompagner les jeunes pousses château-renardaises, puisque voilà, c'est les gamins qui vont intégrer l'équipe auront besoin de Bastelica et d'autres vieux pour vraiment pour stabiliser le groupe. Allez, juste avant d'en terminer avec le rugby, je te propose d'écouter un joueur de Vienne. Puisqu'il était là, un joueur qui a été exceptionnel, c'est le numéro 8 dont j'ai perdu son nom. On va le retrouver dans le son, je l'espère. Genevois, voilà, le numéro 8. On finit saison, bonne belle saison. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a manqué? Bah, manqué, je pense, 28-19, il nous manque 5 points. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. 28-19, non, bah, il manque un peu plus de réalisme. Ce qu'on fait Château, et nous, on loupe 6-9 points au pied, donc on ne concrétise pas assez nos temps forts. Et voilà, on sait qu'un match retour à l'extérieur, c'est plus compliqué. Et puis voilà, après, c'était un match, je pense que c'était un beau match. Ouais, c'était un bon match. La première mi-temps, il était un petit peu abouti, parce qu'on restait toujours dans les clous. Et puis en deuxième mi-temps, mais ça prend un petit peu l'eau derrière. Et puis aussi, un petit peu des fautes. Beaucoup de ballons tombés. Un peu plus de fautes. On fait deux fautes défensives aussi sur les essais de Château, parce qu'on prend deux essais en première main. C'est pas normal quand on veut gagner à l'extérieur à ce niveau-là de la saison. Après, voilà, c'est fait. Il faut que... T'as un groupe quand même assez remanié, donc il faut que ça serve d'expérience et puis on reviendra l'année prochaine. Ouais, bah, la saison quand même satisfait. Satisfait, oui, mais quand même déçu, très déçu quand même. Voilà, t'as tenu, Jean-Yves, hein. Un joueur remarquable. Ouais. Ce numéro 8, Genevois, je l'ai souvent cité, hein, parce qu'il a un autre nom, quoi. Ça, c'est son nom de... Il avait un nom plus simple. Donc, souvent, je l'ai mis en évidence. Tiens, t'as dû. Première année, c'est ça qui est fabuleux. Les essais ont été fabuleux. Ben ouais, écoute, cette équipe-là de Bonne est pas là par hasard non plus. Hein. Tu sais, quand tu arrives en 16e comme ça, c'est que tu as fait une belle saison, c'est que le groupe est prêt à en découdre, c'est qu'il y a un truc qui s'est fait. Et ben, cette équipe de Bonne a raté le coche cette saison, mais probablement qu'il faudra compter sur eux sur les prochaines saisons parce que voilà, ils ont fait une jolie saison, ils n'étaient pas dans une poule très simple, ils ont réussi à sortir de cette poule compliquée par là-haut. Jean-Yves, on va être obligé de couper. On va juste rappeler quand même que c'est Vienne qui rencontrera Château-Renard Château-Renard dimanche. On sera au 13. On aura un œil averti aussi du côté de Coubertin grâce au président Bertrand, que j'aimerais remercier, hein, parce qu'ils nous ont accueillis à bras ouverts comme ils savent le faire du côté de Château. Fly FM est toujours bien accueilli et ça c'est remarquable. Et voilà, je tenais à le dire. On va couper là, on va fermer la page rugby, Jean-Yves. Plus compliqué pour Château la semaine prochaine face à Vienne. Vienne est une des meilleures équipes de la saison en Fédéral 2, si ce n'est la meilleure. Voilà, la montagne à gravir là est autrement plus haute que celle de Bonne, mais pourquoi pas? Pourquoi pas avec ce groupe Château-Renardais qui Merci Jean-Yves, merci. On se retrouve ensemble dimanche, on va passer une belle journée et on aura bien sûr des infos de partout qui vont arriver et peut-être samedi soir, qui sait, on ne sait jamais. Top chrono, motoball. Alors juste avant le motoball, on va juste parler Horizon, si vous préférez. On va prendre un petit peu d'ampleur et on va laisser le motoball. Prenez vos stylos, prenez vos crayons. Vous allez voir, c'est Marie qui s'y colle, c'est autre chose. Alors, moi je vais vous proposer de la course à pied, ça sera samedi 6 mai à Métamis, le trail des terrasses du Ventoux. 10 km de course à pied ou un semi-marathon de 24 km, le village de Métamis, perché sur son promontoire rocheux, dominant les gorges de l'Anesque et face au Mont Ventoux, accueillera la première édition du trail des terrasses du Ventoux et des balcons de Métamis organisé par Action Ventoux. Un trail de 25 km typiquement provençal qui vous fera cheminer sur des sentiers entre thym et romarin, avec toujours en toile de fond le géant de Provence. Parcours très vallonné, tout en relance, où alterneront montées sèches, descentes techniques, singles sinueux et roulants, avec passage au centre du village, perché de Blovac, plongé dans les gorges de l'Anesque, avant une arrivée très typée au sommet du village de Métamis. Si vous préférez une course un petit peu plus, on dira, plus plate, ce sera le dimanche, et ce sera la course des Garriguettes à Sarian, avec un 6,5 km et un 13,5 km. Un départ à 9h30 sur les deux courses, le départ de la voie Vénétia à la gare de Sarian, un parcours composé de 80% de chemin et 20% de route. Chaque participant recevra barquettes de fraises, bouteilles de vin et accessoires de course. Je vais en terminer avec une rando-bistré. La fameuse rando-bistrot. Rando-bistrot. Est-ce que tu n'es pas passé au bistrot? Eh bien, en plus, c'est sur le vin. Alors, je t'assure, je n'ai pas bu, mais c'est la vie. Ça sera à Cazeneuve. Ce sera le 6 mai. Et ce sera le bistrot de pays, l'authentique à Cazeneuve, qui vous propose la rando-bistrot sous le signe du vin biologique au programme. À travers les coteaux entre Cazeneuve et le hameau du Boissé, nous découvrirons cette plante à la fois familière et méconnue qu'est la vigne. Au départ du vignoble de Cazeneuve, Pierre nous racontera les origines de sa présence dans ce terroir exceptionnel, ses méthodes de culture et sa vinification. Il en sait quelque chose. Avant d'être accompagnateur en montagne, il était œnologue. À midi, de retour au village, nous nous installerons à l'Authentique. C'est le restaurant de chez Sabine qui nous aura concocté un délicieux menu autour du vin vauclusien. L'après-midi, nous descendrons tranquillement, toujours près des vignes, vers le domaine Allois, où nous ferons la rencontre de François Buzy, agriculteur biologique et vigneron passionné. Il nous fera déguster sa production de vin AOC Ventoux, vin de pays, raisin de table en saison et de jus de raisin. Au menu de l'authentique, nous aurons du vin du domaine Allois, fromage de chèvre chaud de Pays et sa salade, joues de bœuf en daube au vin de domaine d'Allois et son gratin dauphinois, café gourmand, dégustation de la farigoule, boule, liqueur de thym des distilleries et domaine de Provence. Pour un tarif pour adultes de 40 euros et 23 pour les enfants. Voilà! C'est terminé, Marie? C'est terminé pour moi. Mais bien, écoutez, vous aurez la rediffusion demain soir. Si vous avez oublié quelque chose, prenez vos papiers, vos crayons et vous aurez la chance de réécouter cette émission. Top chrono, Motoball. Allez, Motoball, les résultats, bien sûr, de cette première journée de championnat en Elite 1. Il faut savoir que Vaugecourt a perdu à Neuville 5-2. Monteux, le champion de France. Les Jaguars de Monteux ont battu Olgat sur le terrain des Confines 2-0. Et Carpentras-Camaret se sont quittés 2-2, un partout. Là, dans ce championnat, bien, premier Neuville avec 8 points. Monteux avec 5 points avec Vaugecourt. Et on retrouve à la 5e place Carpentras et la 6e place, Camaret à la 5e place et Carpentras à la 6e place. Voilà, c'en est terminé pour le Motoball. Top chrono, football. Allez, on va parler avec le football. Juste après, ce sera Didier Bougon. Est-ce que nous avons quelqu'un au téléphone? On va leur dire qu'on va les retrouver dans 4 minutes exactement. C'est à toi, mon petit Henri. Donc, en CFA, le Pontet est officiellement relégué. Après sa défaite face à Fréjus Saint-Raphaël 0-2, donc le club jouera la saison prochaine en CFA 2, car il compte actuellement 8 points de retard sur le premier non relégable. En DH, Saint-Rémy et Pernes se séparent sur un score de 1-1. Pernes est actuellement classé 11e du championnat avec 49 points, donc ils jouent toujours le maintien, sont toujours en course pour le maintien. DHR, groupe B, US Le Pontet 2, US Mandelieu se séparent sur un score de 1-1. Les deux équipes possèdent 60 points chacune et sont respectivement classées 4e pour Le Pontet et 5e pour Mandelieu. SPC Courtaison, Marseille Consola 0-0. Et Courtaison est classé 6e au championnat. En passant en PHA, Courtaison, Boulbon 2-0 pour Courtaison. Saint-Rémy est battu par Veden 3-4. Barbantane perd contre Carpentras 1-2. Montfavet et Nove se séparent sur un score de 2-2. Tarascon est battu par Avignon 1-2. Pernes est battu par Mayanne 0-1. Au classement, Mayanne est premier avec 73 points, suivi par Veden 65 et l'US Avignon 64 points. PHB Poule A. Le Pontet US 3 Monteux. Monteux bat le Pontet 1-3. Barbantan de Calavon 0-1 pour Calavon. Provence Rasto 6-0 pour Provence. Molège Saint-Jean-Grès 2-0, Cavaillon Entraigue 2-1, Mossane est battu par Jonquière 0-4 et Saint-Didier bat Étoile Aubune 2-0. Saint-Didier est toujours premier avec 71 points, suivi par Cavaillon 68 points et Jonquière 64 points. Poule B. Camaret-Sorgue 1-1. Violet et Galière 2-1. Velleron est battu par Château Renard 3-5. Malocène Avignon CFC 6-2. Orange continue sur sa lancée et bat Carpentras 2-0. Luberon Gadagne 0-1. Et Villeneuve FC bat Dentel 2-0. Au classement, Orange continue son sans faute avec 82 points. En tête du championnat, Sorgue suit avec 69 points, puis Château-Renard 61 points. Je crois que Orange devrait monter sur cette poule. Donc on va finir par la Coupe Gambardella U19. L'OM se qualifie face à Lens au tir au but. 5 tirs au but à 3. Et Montpellier, Auxerre. Montpellier se qualifie 2-1. Donc les deux équipes feront le lever de rideau. Les deux équipes feront le lever de rideau Ils joueront juste avant la Coupe de France, la finale de la Coupe de France qui opposera le PSG et le SCO d'Angers le 27 mai. Ça, c'est une belle nouvelle. Je trouve que c'est parfait. On passe à la pub et on revient tout de suite.